J'ai vu des larmes couler sur les terres de Judée. Des larmes en sang, soi-disant, à cause des traîtres comme Judas. Y'a eu des mères rôdées, veuves et puis mes mélopées. Attrister le monde quand je chose tes comptes, tout ce qui me salopait. Tes comptes pleurer quand ton père te tapait. Quand t'as perdu tes potes, tout t'a sauté des étapes. Eh, t'étais en sanglots, forcé d'être seul, sali par les hommes. Tous die, mais sache que l'amant n'oublie pas les âmes. Tu t'es alarmé d'être anormal, mais t'as l'armure. Le mal mûr te fauche, enlève ta vie et l'armée dans les flammes. On dit que c'est faible de pleurer pour une femme. Je sens la connerie à milieu, et je vends 10 000 femmes par seconde. Ce con condenser ses pleurs, stop et une overdose. Son père a-t-il eu assez peur? Je pleure quand l'idée d'être rien me revient. Alors entouré du mal, j'essaie d'être bien. J'essaie d'être bien. J'essaie d'être bien. On fait de la mort un obstacle. La vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Je pleure aucun autant, autant que la vie est cherchée. On fait de la mort un obstacle. La vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Pourquoi s'en presser? Je sens stressé. Mon sang se glace face aux humains qui m'ont blessé. Tu sais, j'ai mal. Au fond, je trouve ça normal. On nage vers la mort sans emprunter le même canal. Peu importe, on fait n'importe quoi et la porte reste ouverte à ceux qui ont trop souffert. Mais comme une fleur se perd, on veut m'empêcher de respirer. Et ça ne fait qu'empirer. Restez vrai, mes proches, s'il te plaît. Ne me gâche pas ça si t'existes. Ne fais pas vivre cette plaie trop tôt. Je suis trop jeune, la vie est un jeu injuste. J'ai saisi l'enjeu. Fais ce qu'on peut, mais est-ce qu'on peut fermer les portes de l'enfer? Mon esprit est en flamme, pour qu'on s'enferme. Et que je dis que c'est un drame de savoir que la lumière c'est un drame. On fait de la mort un obstacle, la vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Je pleure aucun autant, autant que la vie est cherchée. On fait de la mort un obstacle, la vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Jette pas la pierre. Si je te dis que le bonheur n'est pas dans tes prières. Trop de barrières vont t'empêcher de prier. J'ai chargé le barillet, mais je me suis couché tard hier. T'as vu, on fait avec ce qu'on a. J'ai l'impression que tout tourne à l'envers et que je suis dans le coma. Les gens disent que la vie est dure puisque le temps passe vite comme une plage sur un disque. On est pareil ou pas, courte ou longue, c'est pareil. Voué à quitter ce monde et de nos proches se séparer. Victime depuis tout petit d'une machine à sang. On disait que la vie était belle, maintenant j'ai qu'une machine à sang. On fait de la mort un obstacle. La vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Je pleure aucun autant, autant que la vie est cherchée. On fait de la mort un obstacle. La vie un terrain de jeu, c'est là où on stagne. T'as vu, on perd notre temps à se chercher. Je pleure aucun autant, autant que la vie est cherchée.